بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence donc aujourd'hui le cours, c'est le cours numéro 43 dans l'explication du livre de l'imam As-Sabuni, Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith, avec le charh du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafazahullah ta'ala. Le chapitre qu'on était en train d'expliquer, c'est Al-Iman bil Hawdi wal Kawthar. Al-Iman bil Hawdi wal Kawthar. On a expliqué les détails de ce sujet-là. Et on était en train d'expliquer à la fin une question qui a rapport avec les gens qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans et le fait qu'ils vont profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Et que le fait d'avoir commis des grands péchés, ça ne les fait pas sortir de l'islam. Et on a expliqué qu'il y a des groupes qui ont dévié parmi les gens qui se disent musulmans, qui ont dévié parmi les sectes, comme les Khawarij, qui considèrent que si tu commets un grand péché, tu sors de l'islam. Et donc ils rendent le sang halal, hein, le sang des musulmans halal et leur bien. Et ça c'est les Khawarij. Et ces gens-là, ils ont fait beaucoup de fitan à travers l'histoire de l'islam. Et ils ont toujours levé l'épée contre les dirigeants musulmans et contre les musulmans en général. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits par les pires descriptions, en disant par exemple « Hum sharul khalqi wal khaliqa » Ils sont les pires des créatures. Et il a même ordonné aux musulmans de les combattre. Il a dit « Aynama wajadtumuhum faqtuluhum » Wa qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatla ad » Où que vous les trouviez, combattez-les. Et il a dit « Si je les avais rencontrés, je les aurais combattus comme le peuple de Ad. » Tout ça pour dire, yani, ces gens-là sont des gens qui sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit à propos des Khawarij qu'ils sont les chiens de l'enfer, Kilabu Nar ou Kilabu Ahlin Nar. On a des groupes à notre époque qui font partie de ces tendances-là, les Khawarij, comme les groupes Daesh, ou bien Al-Qaïda, et bien aussi les groupes comme Al-Ikhwan Al-Muslimoun. Les fidèles de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb. Ça, c'est des groupes qui ont les mêmes idéologies que les idéologies des Khawarij de l'époque. Ils ont la même mentalité, la même idéologie et les mêmes comportements. Ils tuent les musulmans et ils font le désordre sur la terre. Et si un musulman fait un péché, il le considère kafir. Et il se révolte et se rebelle contre les dirigeants dans les pays musulmans. Hein? Et il les déclare koufars à cause qu'ils font des péchés ou qu'ils font de l'injustice. Ça, c'est la caractéristique des Khawarij. Et à notre époque, même des musulmans qui ne sont pas nécessairement parmi les Khawarij, mais qui font partie du commun des musulmans, parmi les Awam, qui ont reçu cette idéologie ou cette mentalité à travers les médias, à travers les nouvelles, qu'est-ce qu'ils écoutent à la télé, eh bien, ils ont, disons, été influencés par cette idéologie-là et par cette mentalité-là sans même le savoir. Donc aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, des pays musulmans, les gens du commun, des gens de la rue, il y en a un boulanger, Un propriétaire d'un restaurant, un pâtissier, l'autre c'est un plombier. Il ne connaît rien de l'islam, il ne connaît rien de la religion, mais il passe toutes ses journées, du matin jusqu'au soir, à critiquer les dirigeants, à critiquer les gouverneurs et à les déclarer koufars ou des choses de ce genre. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Où est-ce qu'ils ont appris ça? Hein? Dans le Coran et dans la Sunna? Non! Ils ont appris ça chez les gens qui ont des idéologies des Khawarij ou bien qui ont les idéologies des Kuffar. Yani, ala kulli hal, Tout ça pour dire, yani, ces gens-là sont un danger pour les musulmans. Et le cheikh, il dit, « Wa sharak al-khawarij al-mu'tazila fi anna sahib al-kabira yakhruj min al-iman, lakinnahu la yadkhulu fi da'irat al-kufri, wa yusammunahu fasiqan wa yabqa fi manzilatin bayna al-manzilatayn. » ولا يستبيحون دمه ولا ماله وهذا حكمه في الدنيا عندهم ولكن في الآخرة يلتقون مع الخوارج في أنهم من دخل النار فلا يخرج منها ومن هنا ينكرون آيات وأحاديث وردت في الشفاعة لأنهم حكموا على مرتكب الكبيرة بدخول النار والخلود فيها ويحتجون بآيات نزلت في الكفار تدل على خلود الكافر في النار منها قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقوله تعالى خالدين فيها أبدا وما شاكل ذلك وهذه آيات في الكفار خاصة أما عصاة الموحدين فإن نصوص القرآن والسنة دلت على أن من دخل النار منهم أن الله يخرجهم منها إما بمحض رحمته وإما بشفاعة الشافعين كما سبق بيانه لكم ولهذا قال يعني قال الإمام الصابوني ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ردا على الخوارج وعلى المعتزلة ولا يتركون فيها أبدا كما يخلد فيها الكفار. Donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh il explique que les Mu'tazila ont rejoint les Khawarij dans cette idéologie de déclarer mécréant le musulman qui commet des grands péchés. Et donc les Mu'tazila eux aussi, ils font sortir un musulman de la foi s'il commet des grands péchés. La différence c'est que ils ne le font pas rentrer dans le coffre. Donc les Khawarij ils disent si quelqu'un fait un grand péché, il sort de la foi et il rentre dans le coffre, il devient kafir. Et il va être en enfer pour l'éternité et yani son sang et ses biens sont halal. Ça c'est les Khawarij. Les Mu'tazila eux ils font sortir les gens qui font des grands péchés. Par exemple, il fait le zina, ou il boit de l'alcool, ou il fait un péché comme ça parmi les kaba'ir. Qui est un péché qui est moindre que le kufr majeur ou le shirk majeur. Hein? C'est un grand péché parmi les grands péchés, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais eux, ils déclarent que la personne, s'il le fait, il sort de la foi complètement. La différence entre les Mu'tazila et les Khawarij, c'est que le Mu'tazila, eux, ils disent qu'il sort de la foi, mais il ne rentre pas dans le coffre. Donc, ils disent qu'il devient fasiq et qu'il va être dans un degré entre les deux. C'est-à-dire, il va ni être musulman, ni être kafir. Il est entre les deux. Yani, Allahu a'lam. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allahu a'lam. Parce que ça, c'est une bid'a que les Mu'tazila ont inventée. De dire, celui qui fait des grands péchés, il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. Il est quoi? Il est entre les deux. Yani, ça c'est quelque chose, on n'a jamais entendu ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais c'est une bid'a que les Mu'tazila ont inventée. Et celui qui l'a inventée, yani, c'est Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta, qui était à l'époque un des gens qui étudiait avec l'imam al-Hassan al-Basri dans la mosquée. Avec al-Hassan al-Basri. Et quand il a discuté, l'imam al-Hassan al-Basri, c'est un tabi'i. Un élève des Sahaba, il a étudié avec les Sahaba. Donc il connaît la Aqidah, il connaît le Coran, il connaît la Sunna. Et il a appris le Coran et la Sunna directement des Sahaba. Donc c'est un grand imam, un grand savant parmi les tabi'in. Maintenant il y a un des gens qui était venu pour étudier avec lui. Et yani, il a écouté Al-Hassan al-Basri expliquer la situation des musulmans qui font des grands péchés et qu'ils ne sortent pas de la foi. Lui, il n'a pas été d'accord avec Al-Hassan al-Basri et il commence à inventer lui-même une nouvelle aqida. Il a dit non, ceux qui font des grands péchés, ils ne vont pas sortir de la foi, mais ils ne sont pas des kuffars, ils sont entre les deux. À cause de ça, hein, il a décidé de s'écarter. Et c'est de là que vient le terme « mu'tazila ». Ça vient du mot « i'tazala ». Ya'tazilu, l'i'tizal, ça veut dire de s'écarter de quelque chose, de s'écarter de quelqu'un. Et on les a appelés « al-mu'tazila » justement à cause de ça, parce qu'ils se sont écartés de durus et de l'assise de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Donc ils ont inventé cette bid'a. Ils disent il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. Et il ne rend pas son sang et ses biens halal. Ça, c'est le jugement qu'il donne à propos de cette personne dans la dunya, s'il commet des grands péchés. Donc il dit il est entre les deux. Il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. Sauf que dans l'au-delà, fil akhira, après la mort, qu'est-ce qui arrive avec lui? Et bien là, ils sont d'accord avec les khawarij et ils disent il va être pour l'éternité dans l'enfer. Ça veut dire que si quelqu'un parmi les musulmans a commis des grands péchés et qu'il meurt, les Mu'tazila et les Khawarij, tous les deux, ils sont d'accord pour dire que il va être en enfer pour l'éternité. Et ça, c'est une position qui est totalement erronée et fausse. Hein, parce que les preuves du Coran et de la Sunna sont établies pour mentionner que celui qui meurt sur des grands péchés, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui faire miséricorde, il le fait rentrer au paradis. Et si Allah veut le punir, il va le faire rentrer en enfer, mais il ne va pas y demeurer éternellement. Il va brûler un certain temps en enfer, puis après Allah va le faire sortir, puis le faire rentrer au paradis par la suite. Donc eux, les Khawarij et les Mu'tazila ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, si tu fais un grand péché, parmi les grands péchés, et que tu meurs comme ça, tu es un kafir. Si c'est les Khawarij, ils disent t'es kafir. Et si c'est un Mu'tazil, il dit il est ni kafir ni mu'min. Et dans l'au-delà, il va être en enfer pour l'éternité, il ne va jamais en sortir. Donc là, ils rejoignent les Khawarij. Et le Cheikh, il dit, et c'est pour ça que ces groupes-là et ces sectes, ils refusent de croire en les versets du Coran et les hadiths, hein, qui établissent, yani que il y aura une intercession pour les pécheurs dans l'au-delà. Au jour de la résurrection, il y a une intercession. Les prophètes vont intercéder, et les hommes pieux vont intercéder, et les anges vont intercéder, hein, comme c'est mentionné dans les hadiths à ce sujet-là. Et les hadiths sont authentiques. Donc, il y a une intercession pour ceux qui ont commis des grands péchés. Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné au dernier cours, il dit que Allah Azza wa Jal va faire sortir de l'enfer celui qui avait même un atome de foi dans son cœur. Il va les faire sortir de l'enfer. Donc les Mu'tazila et les Khawarij, eux, ils refusent ces hadiths-là, ils rejettent ces hadiths-là alors que ce sont des hadiths authentiques. Et le Cheikh, il dit, donc eux, ils jugent que celui qui fait des grands péchés, les Khawarij et les Mu'tazila, ils disent qu'il va rentrer en enfer. Et il va rester éternellement en enfer. Et les preuves qu'il amène pour justifier cette position, c'est des versets qui ont été révélés à propos des kuffars et des mushrikines. Donc ils prennent ces versets-là, puis les appliquent aux musulmans qui ont commis des péchés. Comme par exemple le verset 13 dans Surat Al-A'la, lorsque Allah Azza wa Jal dit « Thumma la yamutu fiha wa la yahya », c'est-à-dire ils ne vont pas mourir dans l'enfer ni vivre. Hein, ils ne vont pas ni mourir ni vivre, c'est-à-dire, ils sont dans le châtiment éternel. Et dans un autre verset, Allah dit, Khalidina fiha abada, pour y demeurer éternellement. Ça, c'est des versets qui parlent des koufars et des mushrikines. Eux, ils appliquent ces versets-là aux musulmans qui ont commis des grands péchés, alors qu'ils sont révélés à propos des koufars en particulier. Et en ce qui concerne les musulmans qui étaient sur le tawhid, et qui ont fait des péchés, eh bien, il y a de nombreux textes dans le Coran, ainsi que des versets et de nombreux hadiths dans la Sunna authentique, qui prouvent que quiconque parmi les croyants qui ont commis des péchés entre en enfer, Allah Azza wa Jal va les faire sortir de l'enfer. Soit par sa miséricorde, hein, par sa miséricorde pure, c'est-à-dire soit uniquement par sa miséricorde, ou par l'intercession des intercesseurs. Comme on l'a expliqué dans les versets et les hadiths qu'on a lus dans les cours précédent. Et c'est pour ça que l'imam As-Sabouni, dans ce livre, il dit, et ils savent, hein, en vérité et avec conviction, que les musulmans, ceux qui sont sur le tawhid et qui ont commis des péchés, ne vont pas rester éternellement en enfer. Et il dit ça pour réfuter les khawarij et les mu'tazila. Et il dit, et ils ne seront pas laissés, hein, dans l'enfer. Ils ne seront pas laissés éternellement en enfer. Contrairement aux kuffar et aux mushrikin qui, eux, vont demeurer éternellement dans le feu de l'enfer. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَأَمَّا الْكُفَّارِ فَيُخَلَّدُونَ فِيهَا وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَقَالَ سُبْحَانَهُ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى آيَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى خُلُودِهِمْ فِي النَّارِ وَأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَمِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ وَأَنَّهُمَا لَا تَفْنَيَانِ وَأَنَّ الْكُفَّارَ خَالِدُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَبَدًا لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وأن أهل الجنة خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا وذهبت الجهمية إلى القول بفناء النار بفناء الجنة والنار وهذا رد لنصوص من وهذا رد لنصوص القرآن والسنة على أبدية الجنة والنار والضلالات كثيرة عند أهل الزيغ والعياذ بالله وقال رحمه الله ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم لا يفتر عنهم يعني مستمر أبدا أبد الآبدين وهم فيه مبلسون يعني يائسوا من الخروج فيخلدون في النار ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا كما تقدم لكم أنهم يخرجون بفضل الله وبرحمته أو بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين. Donc le cheikh il explique que يعني Allah subhanahu wa ta'ala donc comme on l'a expliqué en ce qui concerne les kuffars, hein, comme l'imam il le dit, les kuffars ils vont rester éternellement en enfer, ils vont jamais sortir de l'enfer. Donc ceux qui meurent sur le kufr majeur ou sur le shirk majeur sans s'être repentis avant la mort, eux seront éternellement en enfer. Peu importe le nom qu'ils se donnent. C'est-à-dire, peu importe le titre qu'ils se donnent ou ce qu'ils prétendent être. Donc, yani, s'ils commettent du shirk majeur ou du kufr majeur, ils vont en enfer pour l'éternité. Ils ne vont jamais sortir. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 23 dans Surat al-Jinn, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, certes il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Hein? Et donc ça c'est pour ceux qui désobéissent à Allah et à son messager par le kufr ou par le shirk. Ils ne vont jamais en sortir. Et dans l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure, là, « ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا » Ils ne meurent pas et ils ne vivent pas. Comme Allah dit dans l'autre verset, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Donc ça veut dire لَا يَمُوتُ فِيهَا. Le kafir dans l'enfer, il souhaite mourir. Mais il ne peut pas mourir. Parce qu'il n'y a plus de mort après. Après la résurrection, une fois que les hommes sont ressuscités, Allah Azza wa Jal, il présente aux hommes la mort sous la forme d'un mouton, et puis il l'égorge devant tous les êtres humains. Il leur dit, hein, maintenant c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et après, c'est soit que tu vas au paradis, soit que tu vas en enfer. D'accord? Et ceux qui sont parmi les musulmans qui ont commis des péchés, s'ils rentrent en enfer, eux, ils vont en sortir. rentrent au paradis. Mais ceux qui sont morts sur le kufr majeur ou sur le shirk majeur, ils y demeurent éternellement. Et quand Allah dit « ils ne vont pas mourir », ça veut dire que même dans l'enfer, ils souhaitent mourir. Et même dans un verset dans Surat Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jal, il dit « وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ » Ça veut dire « Ô Malik, hein, demande à ton Seigneur pour qu'il nous achève, hein, pour qu'on puisse mourir une fois pour toutes. Que le, comme ça, on a un répit du châtiment. Et Malik qui lui répond, l'ange qui garde l'enfer, il dit « Innakum makithun » Vous allez demeurer dans l'enfer. Vous n'allez pas mourir. « La yamutu fiha wa la yahya » La vie qu'ils vivent là-dedans, ce n'est pas une vie. Hein? Puisque c'est une vie de châtiment pour eux. Et donc, c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit « Ils ne sont pas morts, ils ne peuvent pas mourir, puis ils ne peuvent pas vivre. Hein? » Et comme le verset qui dit à chaque fois qu'ils ont la peau calcinée, on leur donne une nouvelle peau pour qu'ils goûtent au châtiment. Ça veut dire que c'est éternel. Hein? Et donc le cheikh il dit, et parmi les croyances d'Ahl Sunnah, il y a le fait que le paradis et l'enfer sont créés, hein, deux créatures, et que ces deux créatures-là, elles ne vont jamais, cesser d'exister. C'est-à-dire, elles sont éternelles, ces deux créations-là, elles ne vont pas s'éteindre. Elles ne vont pas s'éteindre, elles ne vont pas disparaître. Et donc, les koufars qui sont morts sur le kufr, ils vont rentrer en enfer, et ils vont rester en enfer pour l'éternité, ils ne vont jamais en sortir. Et les gens du paradis qui sont rentrés au paradis, ils ne vont jamais en sortir non plus. Et c'est pour l'éternité. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des groupes de bid'a comme les Jahmiyyah qui ont inventé une croyance qui dit que l'enfer et le paradis vont s'arrêter, hein, comme si c'est juste temporaire. Et ça, c'est bien entendu en contradiction avec les textes clairs du Coran et de la Sunna. Sur le fait que le paradis et l'enfer sont éternels. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ce genre d'égarement, parce que les gens de déviation et les gens de l'égarement, ils ont d'innombrables égarements et d'innombrables choses qu'ils inventent contraires à la vérité. Wal'iyadu billah. Des fois, les gens, ils lisent le Coran, mais ils l'interprètent comme ils veulent, selon leur passion. Et il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Et j'étais chez de la famille, et mon beau-frère regardait un gars qui discutait de quelque chose, qui parlait de l'interprétation du Coran. Alors je lui ai dit, lui il a cliqué sur le truc par curiosité, parce que le titre... C'était un titre qui était intéressant. Sauf que le contenu de la vidéo n'a rien à voir avec le titre. Et ça, souvent, il y a des gens qui font ça. Ils donnent à une vidéo un titre intéressant pour que tu aies envie de l'écouter. Et quand tu commences à l'écouter, tu réalises qu'il n'y a même pas un rapport avec qu'est-ce qui est écrit dans le titre et qu'est-ce qui est mentionné dans l'explication. Alors, le contenu de la vidéo de cet individu, je ne sais même pas qui c'était, je ne connais même pas son nom, et je ne sais même pas qui il est, mais qu'est-ce qu'il racontait? C'était qu'il a trouvé une nouvelle méthode pour réinterpréter le Coran. Et qu'à partir de cette nouvelle méthode qu'il a découvert, il va falloir maintenant réinterpréter tous les versets du Coran du début jusqu'à la fin. Il a dit, c'est qui ça, cet abruti, cet ignorant qui pense que aujourd'hui, au 20e siècle, au 21e siècle, il arrive avec une nouvelle méthode que les Sahaba n'ont pas connue, ni les Tabi'in, ni les Tabi'in, qui sont les trois meilleures générations de cette Ummah, qui ont connu l'islam directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il vient aujourd'hui, des générations après, et il prétend qu'il a mieux compris le Coran et la Sunna que tous ceux qui l'ont précédé. Ça, c'est de l'égarement. Hein? Et donc, c'est pour ça, le danger de ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'ils vont prendre le Coran et la Sunna et essayer de les déformer, de changer leur interprétation, hein? Et puis ils vont s'égarer de cette façon-là. Donc, on peut parfois, comme tu dis, lire le Coran, mais pourtant on ne le comprend pas ou on le déforme dans sa compréhension. Regarde combien de gens qui sont dans les pays musulmans qui font toutes sortes de bid'ah et qui vont prier à des morts et qui adorent des morts et qui font le culte des morts et qui adorent des tombes, hein, et qui prient à des êtres humains, qui se prosternent à un homme et pourtant ils récitent le Coran. Ils lisent le Coran et ils lisent les hadiths. Mais pourquoi ils continuent à faire ça? Eh bien, c'est parce qu'ils sont égarés. Ils suivent leur passion. Le shaitan les a... Le shaitan leur a embelli le faux. Et la traduction, comme tu dis, des fois, les gens, ils suivent la coutume. Donc, tout ça, c'est pour dire... Hein, tu vas dire, moi, c'est des questions, je me posais souvent ça, la question. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Hein? Et donc, quand je lisais beaucoup de choses dans la Bible des chrétiens et des juifs, beaucoup de choses que, quand tu leur demandes aux juifs et aux chrétiens, pourquoi vous contredisez qu'est-ce qui est écrit dans le livre? Hein? Quand tu lis qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit, tu ne dois pas faire des images, tu ne dois pas faire des statues, tu ne dois pas faire des dessins et te prosterner devant autre que Dieu. J'ai dit, mais vous, pourquoi dans l'église, vous faites plein de statues, des images? Vous vous mettez à genoux devant ces statues et vous vous prosternez devant. Ça, c'est le premier commandement dans la Bible, vous le contredisez. Mais pourquoi? Alors que c'est clairement écrit. Et tu penses qu'ils vont dire quoi? Ils suivent leur passion, ils n'ont pas d'explication pour ça. Il y a un prêtre qui m'a dit, les statues c'était interdit avant, aujourd'hui c'est permis. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'avant les êtres humains, ils n'étaient pas évolués. Alors ils adoraient les statues. Aujourd'hui, ils sont évolués, ils ne vont plus adorer les statues. J'ai dit, mais comment ça se fait alors que vous continuez à les adorer? Ça veut dire que vous n'êtes pas évolués encore. Hein? Comme si les gens avant, c'était des êtres primitifs. Et il y a même des musulmans qui ont dit des choses comme ça. Hein? Certains prêcheurs, même Saïd Qutb, dans ses livres, c'est ça ce qu'il dit. Il dit, le shirk avant, c'était primitif. Aujourd'hui, le shirk primitif, il n'existe plus. Les idoles, les gens, ils n'adorent plus les idoles. Alors que tu vas dans les pays des mouchriquines, même ici, tu viens, ici, au Canada, aux États-Unis, en Europe, les soi-disant pays évolués, civilisés, c'est rempli de temples hindous, d'églises remplies de statues, et partout les gens ils se prosternent devant des idoles et des statues et des images. Où est-ce qu'elle est l'évolution qu'ils prétendent? Ça, c'est d'être évolué. Où est-ce qu'elle est l'évolution dans ça? Hein? Donc, c'est pour dire, quand quelqu'un il suit sa passion, peu importe les versets que tu lui montres, peu importe les hadiths que tu lui montres, il ne va pas les accepter. Ou bien il va les accepter en déformant leur sens pour essayer de les rendre en accord avec ce qu'il veut, hein, pour pouvoir continuer à suivre sa passion. Allah al-Musta'an. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Exactement. Ça, c'est un verset que justement les ulama ont mentionné pour réfuter les khawarij. Pour dire que celui qui fait un yani, comme Allah Azza wa Jal, il dit, si c'est du shirk, il ne pardonne pas. Mais si c'est un péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que si ton péché que tu as fait, c'est moindre que le shirk, il peut te pardonner s'il veut, et il peut te punir s'il veut. Et ça, c'est une des preuves, mais sinon, il y a beaucoup de preuves encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une fois à un compagnon, à propos d'une, là, il a dit à propos de la parole de la ilaha illallah. Il a dit, il n'y a personne qui va dire la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi illa dakhala al-jannah, excepté qu'il va rentrer au paradis s'il dit la ilaha illallah avec sincérité dans son cœur. Et le sahabi, c'était Mu'adh ibn Jabal, je pense. Non, Abu Dhar. C'était Abu Dhar. Et Abu Dhar, il a entendu cette parole, il a dit wa in zana wa in saraq ya Rasulallah. Qala wa in zana wa in saraq. Il a répété encore wa in zana wa in saraq ya Rasulallah. Qala wa in zana wa in saraq. Après, il a posé encore troisième fois la question wa in zana wa in saraq ya Rasulallah. قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. Ça veut dire le sahabi Abu Dhar, il lui a dit, est-ce que même s'il fait le zina, même s'il vole, il va quand même aller au paradis au messager d'Allah? Il a dit même s'il fait le zina, même s'il vole. Il a répété la question une deuxième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété encore une fois la même réponse. Une troisième fois, il a posé la question. Et il a répété encore la même chose. Il a dit, « Ala rahmi anfi Abi Dhar. » C'est-à-dire, même si le nez de Abu Dhar va être dans la poussière. En voulant dire, que ça te plaise ou non, c'est ça la vérité. D'accord? Et ça, c'est juste un hadith. Et ça, c'est juste un verset. Mais il y en a un grand nombre de versets et de hadiths qui confirment ce principe, qui fait partie des fondements, parmi les fondements de la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Donc c'est pas juste un élément comme ça qui est tiré d'un verset. C'est des dizaines et des dizaines de versets et des dizaines et des dizaines de hadiths qui confirment ce principe fondamental de la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Hein? Donc c'est pas des choses comme ça à prendre à la légère. Et le Cheikh, il dit ensuite que l'imam As-Sabouni rahimahullah, il a mentionné les versets, ou bien des parties d'un verset. La yusta'tabun. C'est-à-dire, yani, on va pas leur demander de s'excuser. Wa la yufattaru anhum. C'est-à-dire, ils vont rester éternellement dans le châtiment. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit, wa hum fihi mublisun. Donc, ils vont désespérer de sortir de l'enfer. C'est-à-dire, les kuffars qui sont morts sur le kufr ou le shirk, et qui sont rentrés en enfer, ils désespèrent d'en sortir. Ils savent qu'ils ne sortiront jamais de l'enfer. Et ils vont y rester éternellement. Et il dit ensuite, et Allah Azza wa Jal ne va laisser aucun d'entre les pécheurs des croyants dans l'enfer. C'est-à-dire que si les croyants sont rentrés en enfer pour être purifiés de leurs péchés parce qu'ils sont morts sur le tawhid et sur la foi. Hein, ils ont cru en l'unicité d'Allah, ils n'ont rien adoré en dehors d'Allah, mais ils ont commis des péchés. Allah a voulu les purifier de ces péchés-là. Il va les laisser brûler dans l'enfer un temps que seul Allah connaît. Et quand il va décider, il va les faire sortir par sa grâce et par sa miséricorde, ou bien par l'intercession des prophètes, des anges et des croyants. C'est ce qui conclut ce chapitre. Maintenant, on va commencer l'autre chapitre qui suit. C'est le chapitre au sujet de Ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Ça aussi, c'est un parmi les fondements de la aqidah d'Ahlus Sunnah. C'est le fait que les croyants vont voir leur Seigneur dans l'au-delà. Les croyants vont voir leur Seigneur dans l'au-delà. L'imam As-Sabouni, rahimahullah, il dit ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. Donc ici le cheikh, il explique l'imam As-Sabouni, Il dit que les gens de la Sunna, ils témoignent que les croyants verront leur Seigneur, Tabaraka wa ta'ala, au jour de la résurrection, avec leurs yeux. Et ils vont le regarder, comme cela est mentionné dans les narrations authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Vous allez voir votre Seigneur comme on voit la lune lorsqu'elle est pleine, dans une nuit sans nuages. » Quand la nuit est pleine, dans une nuit sans nuages, est-ce que l'un d'entre vous a la difficulté de voir la lune? Non. Eh bien, de la même manière que c'est facile pour vous de voir la lune dans le ciel, quand c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages, eh bien, au jour de la résurrection, vous allez voir votre Seigneur avec la même facilité et avec la même clarté, dans le sens que, lorsqu'il y a une foule de gens, une masse de gens qui sont réunis à un endroit, et qu'il y a quelqu'un qui est, par exemple, au loin, en général, les gens qui sont de haute taille, c'est eux qui sont capables de voir devant qu'est-ce qu'il y a. Mais s'ils sont petits, ils ne peuvent pas voir, parce que les grands leur coupent la vue. Donc il faut qu'ils montent sur le dos de quelqu'un pour être capable de voir autour. Sauf que si c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages, ils n'ont juste qu'à lever la tête pour voir la lune. Même s'il y a une foule de monde, il n'y a pas de difficulté à voir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit de la même manière que vous n'avez pas de difficulté à voir la lune lorsque il n'y a pas de nuages et que la lune est pleine, eh bien, vous n'allez pas avoir de difficulté à voir votre Seigneur au jour de la résurrection. Donc ça, c'est un hadith authentique. Et le cheikh explique ici que la comparaison qui est mentionnée dans le hadith, c'est pas pour comparer Allah à la lune. C'est plutôt de comparer la facilité de voir la lune avec la facilité de voir Allah. C'est ça qui est comparé. Et non pas la lune et Allah. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Et Allah ne peut être comparé à rien de ses créatures. Donc, le cheikh explique ensuite qu'il a mentionné toutes les narrations au sujet de la vue d'Allah dans l'au-delà, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelait Al-Intisar, et il a mentionné toutes ces narrations-là avec les chaînes de transmission. Pourquoi il a dit ça? Probablement parce que dans le livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, il n'a pas cité toutes les narrations en question. Donc, en réalité, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, c'est comme si, en voulant dire que c'est un résumé de son autre livre qui s'appelle Al-Intisar, dans lequel il a mentionné les preuves détaillées avec les chaînes de transmission. Donc, Cheikh Rabi' Hafizahullah, il explique maintenant ce passage. Il dit, « Al-qa'idatu al-asasiyatu inda ahli sunnati annahum yu'minuna billahi tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi wa bi sifatihi subhanahu wa ta'ala ala al-wajhi al-la'iqi bih. ويؤمنون بكل ما ثبت في القرآن والسنة فكل ما ورد في القرآن وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل والعقائد التي يؤمن بها أهل السنة ويخالفون فيها أهل الضلال معروفة وقد مر بنا الشيء الكثير من هذا الشيء الكثير في هذا الكتاب ومن هذه العقائد التي يتميز بها أهل السنة عن أهل الضلال أنهم يؤمنون بأن الله يرى يوم القيامة ويراه عباده المؤمنين ويراه عباده المؤمنين ويراه عباده المؤمنين في الجنة ويرى قبل ذلك في عرصات يوم القيامة. والرؤية التي يتميز بها المؤمنون هي رؤية الله في الجنة. وتشير بعض الأحاديث أو تدل على أن في عرصات القيامة يشترك المؤمن أو يشترك المؤمنون وغيرهم في رؤية الله، فالمنافقون يدخلون في ذلك كأنها رؤية لا تفيدهم، إذ يكشف الله عن ساقه سبحانه وتعالى فيخر المؤمنون سجدا لله، والمنافقون لا يستطيعون ذلك، فكلما أرادوا أن يسجدوا لا يستطيعون ذلك، كما قال تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم يراه المؤمنون في الجنة. On va traduire ce passage. Le cheikh, il explique que la règle de base à propos de la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'ils croient en Allah Azza wa Jal, en ses noms et en ses attributs, de la manière qui est convenable, et ils croient en tout ce qui a été confirmé dans le Coran et dans la Sunna comme croyance. Et tout ce qui a été rapporté dans le Coran et qu'est-ce qui a été confirmé dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils y croient de la manière qui convient à Allah, sans faire de déformation des sens, sans faire de comparaison entre le créateur et la créature, sans essayer de faire ressembler Allah à sa création et sans faire de négation des attributs et des noms d'Allah Azza wa Jal, ou sans les vider, sans vider les noms et les attributs d'Allah de ses sens. Et donc, les croyances en lesquelles les gens de la Sunna croient et en lesquelles ils contredisent les gens de l'égarement sont connues. Et donc, on a déjà mentionné dans ce livre de nombreux exemples de ça. Il dit, et parmi ces différents éléments de la croyance par lesquels les gens de la Sunna se distinguent des gens de l'égarement, il y a le fait justement que les gens de la Sunna croient en le fait qu'ils vont voir leur Seigneur Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection, hein, et les serviteurs croyants vont voir Allah Azza wa Jal dans le paradis. Donc les croyants, ils vont voir Allah dans le paradis. Et ils vont le voir également le moment dans le jour du jugement, dans le lieu de rassemblement. Et cette vue d'Allah qui distingue les croyants qui vont voir Allah Azza wa Jal, par lesquels les croyants se distinguent, c'est la vue d'Allah dans le paradis. C'est-à-dire que la vraie vision qui est particulière par rapport aux croyants, c'est lorsqu'ils vont voir Allah au paradis. Et certains hadiths indiquent qu'au jour de la résurrection, il y a d'autres que les croyants qui vont voir Allah. C'est-à-dire que les croyants vont voir Allah, mais il y aura aussi certains koufars qui vont le voir. Dans le sens que certains ulamas ont mentionné soit que les munafiqoun vont le voir, mais que ce ne sera pas profitable pour eux ni bénéfique. Et aussi, certains ulama ont mentionné même que des koufars qui vont le voir, Allah, ils vont le voir et ils vont être voilés par la suite. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ils vont être voilés de voir Allah. Ils ne vont pas pouvoir le voir par la suite. Et ça, c'est pour les koufars. Et pour les hypocrites, le cheikh, il a mentionné l'exemple du moment où la jambe sera découverte et que les croyants vont se prosterner devant Allah à ce moment-là, quand il va dévoiler sa jambe. Les croyants vont se prosterner devant Allah Azza wa Jal, tandis que les hypocrites Ils vont essayer de se prosterner, mais ils ne seront pas capables. Parce que leur colonne vertébrale va devenir droite comme une barre de métal. Rigide. C'est-à-dire comme une barre. La colonne vertébrale, elle est flexible. C'est ce qui permet à quelqu'un de se pencher. Mais quand les hypocrites vont vouloir se prosterner, comme les croyants, ils vont essayer de se prosterner, mais leur colonne devient droite, raide. Hein? Donc, chaque fois qu'ils essaient de se prosterner, ils tombent sur le dos. Ils ne sont pas capables de se prosterner au jour de la résurrection. Et c'est ça que le cheikh explique ici. Donc, les munafiqoun, ils ne vont pas pouvoir se prosterner. Et chaque fois qu'ils vont essayer, ils vont tomber. Et c'est dans le verset 42. Dans Surat Al-Qalam, Allah Azza wa Jal, il dit « يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ » C'est-à-dire le jour où la jambe sera dévoilée et ils vont être invités ou appelés à se prosterner et ils ne seront pas capables. Khair, inshallah. Assalamu alaikum. Puis ensuite, les croyants vont le voir dans le paradis. Hein? Les croyants vont voir Allah Azza wa Jal dans le paradis. Mais les munafiqoun, ils ne pourront pas rentrer au paradis. Hein? Donc, ils ne vont pas pouvoir voir Allah par la suite. Et ça va être un châtiment pour eux. Puisqu'ils le voient, et après, ils ne peuvent plus le voir. Et donc, ça leur fait ressentir un grand châtiment et une grande douleur en eux-mêmes parce qu'ils ont le désir de pouvoir jouir de cette vision et de cette vue merveilleuse, de pouvoir voir leur Seigneur, mais ils en sont privés à jamais. Ce qui ne fait qu'augmenter les remords qu'ils ont dans le cœur à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit, « Wa qala al-musannifu, rahimahullah, wa yashhadu ahlu sunnati anna al-mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamati bi absarihim. Wal adillatu ala thalika kathiratun mutawatirah. » Yani balagat had ala al-ishrin. وتابعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح يعني مذكور في فتح الباري. Donc ici le cheikh il mentionne en note de bas de page une parole de Ibn Hajar al-Asqalani qui a fait le charh de Sahih al-Bukhari. Il cite ici que l'imam ad-Darqutni, un des grands savants de hadith, il a rapporté les hadiths qui mentionnent la vue d'Allah dans l'au-delà, et il a rassemblé toutes les chaînes de transmission de ces hadiths. Et il a mentionné qu'ils sont plus que 20 hadiths sur le sujet. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il les a également rassemblés, hein, il les a suivis, il a suivi ces hadiths que l'imam ad-Darqutni a mentionné, et il a trouvé que leur nombre atteignait même 30 hadiths. La plupart d'entre ces hadiths-là sont bons. Et ad-Darqutni, il a rapporté de l'imam Yahya ibn Ma'in, un des grands savants parmi les imams des salafs, un des savants de hadith, et lui, il a dit, j'ai 17 hadiths au sujet de la vue d'Allah au jour de la résurrection, et ils sont authentiques. Et ils sont authentiques. Et ça, c'est mentionné par Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Donc ici, Le cheikh, il dit ensuite, يعني بلغت حد التواتر ورويت عن 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا في السنة أما القرآن ففيه آيات وردت في ذلك. طيب donc le cheikh explique donc que l'imam al-Sabouni il a mentionné que les gens de la Sunna, ils ont témoigné que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection avec leurs yeux. Et les preuves à ce sujet-là sont nombreuses. Ils sont même mutawatir. Mutawatir, c'est-à-dire que c'est rapporté par un très grand nombre. Et il dit que certains ont mentionné jusqu'à 30, comme on l'a dit tout à l'heure. Et 30, c'est-à-dire 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté cet élément-là dans la sunna. Il dit, en ce qui concerne les preuves du Coran, eh bien, il y en a beaucoup également de versets qui ont établi la preuve que les croyants vont voir leur Seigneur dans l'au-delà. Et parmi une des preuves les plus connues, les plus évidentes, c'est le verset dans Surat Al-Qiyamah. Lorsque Allah Azza wa Jal, il dit Kalla innahum ar, quand il dit dans Surat Al-Qiyamah yani wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ila rabbiha nadira, ça veut dire ils vont regarder leur Seigneur. Hein? Donc ça c'est le verset, un des versets, mais il y en a d'autres également. Donc on va s'arrêter ici nous pour aujourd'hui et on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah, on va citer les versets qui ont été rapportés à ce sujet-là avec leur explication et la réfutation des mubtadi'a qui ont refusé d'accepter cet élément-là de la foi. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.